clair, obscur. Une musique sombre sur Rage. Bonsoir Nathalie. Pardon. Je vais faire la présentation de l'émission tout seul avec une voix un petit peu plus normale, puisque je me sens franchement ridicule, mais en même temps c'est la période qui veut ça, c'est la période de Noël, que voulez-vous. Les conférences sur le climat sont des fiascos, mais ça ne nous empêchera pas de nous baffrer de dindes aux hormones pour oublier la fin du monde qui s'amène toujours à... un peu plus près. Tu oublies champagne aux pesticides et toutes les cochonneries qui vont avec. Ah, heureusement que tu es là pour me rafraîchir la mémoire. Est-ce que ça va, Nathalie, malgré la période ? Oui, bonsoir à tous et désolé pour le fou rire, mais voir Stéphane me faire un délire de Père Noël, ça je m'y attendais absolument pas, donc désolé, mais là j'ai eu du mal à reprendre mon souffle. Mais au moins tu fais pas comme tous ces gens qui, dès qu'on fait ho ho ho, vont te dire la marque d'un fabricant de maïs transgénique par exemple. J'ai pas le droit de citer la marque, mais voilà. Moi, quand j'entends ho ho ho, moi, je pense à Papa Noël, tu vois, donc je suis pas totalement pervertie, voilà, malgré les apparences. La société de consommation n'a pas encore eu ton âme, et moi, en tout cas, le cinéma a eu la mienne, puisque quand j'entends ho ho ho, je pense à Alex dans Orange Mécanique. Mais bon, c'est une déformation professionnelle, faut croire. En tout cas, on est bien content de vous retrouver pour cette avant-dernière émission de l'année. Une émission qui s'ouvre sous les auspices de Noël, vous l'aurez compris. Sous les auspices du Bouffon, avec l'ancienne mascotte de Coca-Cola, un ersatz de Saint-Nicolas, avec son costume ridicule rouge et blanc. Et c'est avec le nom d'une friandise rouge et blanche, elle aussi, que j'ai voulu ouvrir cette émission avec Candy Cane du groupe The White Stripes. Eux aussi habillés de rouge et de blanc, mais qui ont... une voix un peu plus intéressante que celle du bouffon à barbe. Et bienvenue dans cette émission, l'avant-dernière de l'année. Et on va continuer avec quelque chose toujours dans le thème de Noël, mais un petit peu plus énergique, avec MXPX et Christmas Night of the Zombies. Zombies right outside my window. Christmas night, Yeah! Christmas Night of the Living Dead ou Christmas Night of the Zombies, peu importe le nom du morceau, c'était MXPX. Et si vous êtes allé dans un supermarché récemment. Parce que j'allais demander, est-ce que c'est une dédicace pour les gens qui sont allés faire leurs courses? Voilà, si vous avez dû traîner par devoir ou par plaisir dans les rayons, eh bien, vous voyez à peu près ce qu'on veut dire dans cette chanson. Par plaisir, on va frôler le masochisme là quand même. Hein. Crois-le ou non, mais il y a des gens qui aiment ça. Ça s'appelle des consommateurs, non? Ah, c'est bien trouvé. Je ne polémiquerai pas là-dessus, mais je vais pas cracher sur la société de consommation. J'en fais partie, mais des fois, ça me déprime. Toujours est-il que ce deuxième morceau faisait... on va continuer dans notre playlist un petit peu aux couleurs de Noël ce soir. Après le morceau des White Stripes, Candy Cane. Vous savez, Candy Cane, ce sont les sucres d'orge blancs et rouges qu'on mangeait quand on était petit. Pas quand on était petit. Attends, mange encore, non, toi je continue, moi. Ah non, moi j'ai troqué en ce moment pour les mandarines et les papillotes. Et d'ailleurs, je ferais bien d'arrêter parce que ça ne me réussit pas. Tu as oublié de ramener, c'est juste pour tout manger tout seul. Et on remercie Terce qui nous les a envoyés d'ailleurs. C'est vrai, on la remerciera jamais assez. On est avec vous pour une heure de musique sombre, des musiques un petit peu moins sombres qu'à l'accoutumée, je le reconnais, mais c'est pour notre plus grand plaisir. Et puis on peut se faire plaisir, d'ailleurs c'est la fin de l'année, c'est l'avant-dernière émission de l'année, et on va continuer, puisque le Père Noël, Santa Claus, est censé être synonyme de paix, d'amour, des réunions familiales, craignos, etc. Eh bien moi j'ai envie de dire le fond de ma pensée, Santa Hates You. Voilà, ouais. Le Père Noël te déteste, et c'est justement le nom qu'a choisi un groupe allemand, Santa Hates You, un groupe EBM assez sympa qu'on a découvert il y a pas longtemps. Et je vous propose d'écouter un de leurs morceaux, qui s'appelle Rocket Song. We'll be right back. l'instant Rocket Song, un extrait de l'album Rocket Heart du groupe Santa Hates You, un groupe allemand qui vient de sortir ce mois-ci son dernier album The Rocket Heart, et c'était un extrait qu'on vient d'écouter pour se mettre en jambe pour cette émission, pour nous achever, nous faire perdre un petit peu des poignées d'amour qu'on est en train d'engranger, si vous avez les moyens bien entendu, en ces périodes de crise, pour les fêtes de fin d'année. Et on va continuer avec un autre groupe que tu nous as ramené, Nathalie, qui lui aussi dans la thématique Noël. Oui, on va continuer sur la thématique Noël avec... Alors, c'est un petit côté à contrario, c'est un groupe d'Athènes, un groupe grec qui tourne depuis 1990, nommé The Illusion Fade, qui a fait un morceau spécial Noël. Alors pourquoi ? Ben justement parce que ce sont des gens dans leur démarche qui aiment bien casser toutes les idées reçues et toutes les petites coutumes habituelles, tout ce qui est bien ancré. Et il y a beaucoup de leur travail qui est autour de ce genre de cassage d'idées. Moi, j'ai beaucoup aimé le délire. Je leur souhaite un jour de pouvoir passer en France. J'espère pouvoir les voir parce que vraiment, je me suis régalée. Le morceau se nomme Christmas Song, et vous reconnaîtrez très certainement la petite musique de début. C'est tout mignon, voilà, c'est Noël, voilà. Je vous laisse écouter ça, et je vous chante pas le morceau, mais je vous laisse la petite musique. Envie de voir des gens complètement fous. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Voulez-vous une belle tasse de thé? Clair, obscur. l'instant dans vos oreilles, vous venez d'entendre Within Temptation. Et oui, vous les aurez sans doute reconnus avec le morceau Gothic Christmas. Là, on est un petit peu dans la caricature, c'était bon. Ma petite bêtise du soir, moi ça m'a fait rire. Je me suis dit, il faut que je le passe, c'est le moment ou jamais. Chers amis, je vous avoue pour ma part que j'avais longtemps hésité à vous amener ce morceau et j'ai pas osé. Mais ma collègue n'a pas les mêmes scrupules. Elle l'a fait, elle a osé. Elle a aussi nous ramené le morceau qui suit. Que là aussi, j'avais eu une hésitation. Et puis finalement, si c'est une bonne idée de l'avoir ramené, j'en dirai pas autant de Within Temptation. Ah, mais il fallait le passer, c'était le moment ou jamais. Mais... c'est mignon, c'est Noël. Comme je le disais en début d'émission, c'est bientôt la fin de l'année. On se fait plaisir à vous ramener des merdes. Et de toute façon, on sait que vous le prenez avec humour et que vous nous pardonnerez et que vous y reviendrez l'année prochaine. Moi, les scrupules, je travaille dans la finance, donc... Ça, c'est un aveu. C'est pas gagné. Les aveux sont des preuves, je te signale. Je salue mes collègues s'ils m'écoutent. Allez, on va continuer avec Siouxsie and the Banshees, là encore un classique, avec un morceau... Est-ce qu'on dit le titre ? Parce que quand même, est-ce qu'on garde la surprise ou pas ? Tu as raison, tiens, on va juste annoncer la demoiselle Siouxsie, qui en 82, il me semble, avait repris un cantique français, quelque chose d'assez célèbre. D'ailleurs, ça va vous rappeler quelque chose. J'adore ce morceau, c'est une reprise de Jingle Bells, vous l'aurez reconnu, par une chorale d'enfants, la chorale des enfants de Dunwich, un nom qui vous rappellera quelque chose. si vous lisez les romans de Lovecraft, et pour cause, puisque à l'instant c'était un extrait d'un CD qui avait été édité par une association, une fondation, je sais pas trop, américaine, Howard Phillips Lovecraft Historical Society, qui avait édité un CD de chants de Noël, notamment avec, mais un peu dévoyé, à la gloire des dieux du panthéon de Lovecraft. En l'occurrence, Cthulhu, puisque vous l'avez entendu, Cthulhu Lives. Eh bien, dans les profondeurs infernales, enfin dans les profondeurs des océans, attendant son retour sur Terre, s'est enchaîné juste avant avec un morceau de Siouxsie and the Banshees. Et il est né le divin enfant. Alors je réconforte ceux qui croient qu'on est tombé dans la niaiserie profonde de fin d'année avec les fêtes. Non, il ne faut pas faire une dépression, n'est-ce pas, hein. Donc certains, j'en ai certains sur la chatbox qui n'ont pas trop écouté les paroles et qui sont en train d'envisager de se jeter du rez-de-chaussée, suicide de fin d'année, tout ça, voilà. Mais non, restez avec nous encore un petit peu, on a besoin de vous. Et puis quand vous écoutez les paroles, vous voyez bien qu'on reste dans le clair, obscur, le sanglant, le grinçant. Et puis même si aussi, malgré tout le respect qu'on a pour elle, n'a pas fait que des trucs bien, mais quand même quand elle fait des daubes, on peut pas les... Enfin, en tout cas pour ma part, je pense que je me fais l'écho de beaucoup d'hommes, on ne peut pas s'empêcher de l'apprécier quand même. Et on va continuer avec, là encore, un classique de Noël, un classique qui fait double emploi d'ailleurs, puisqu'on en avait passé un extrait aussi pour Halloween. Vous vous doutez de ce que je vous ai ramené, un extrait d'une bande originale de film qui aura sans doute beaucoup compté pour vous, composé par Danny Elfman. Évidemment, c'est pas la peine que je vous présente Monsieur Jack et son étrange Noël. Qui c'était en quelle année? 92, 93? Je sais pas, mais je crois que si on cherche la date, on va prendre un vilain coup de vieux là. Eh bien, écoute, on va éviter et on va écouter un extrait supplémentaire dans cette émission de la bande originale de ce film mythique. Qui d'ailleurs, je réécoutais une émission de nos collègues de l'émission du dimanche matin Culture et Confiture, et qui précisait à juste titre que c'est pas Tim Burton qui a réalisé ce film là il l'a produit, c'est Henry Selick, qui est un spécialiste du cinéma d'animation en 24 poses par seconde, enfin du cinéma d'animation de marionnettes, et tous les deux ont collaboré sur ce film là parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps avant, mais le nom d'Henry Selick est vraiment pas souvent cité, et pourtant c'est un réalisateur de talent. Il a fait James et la pêche géante. Burton récemment... prend toute la place, hein. Toujours, ouais. Assez souvent le cas sur pas mal de films. Et d'ailleurs, on me précise que c'est de 92, hein, donc on prend un coup de vieux. Ah, merci, cher internaute. Eh bien, écoutez, à vous tous, l'ensemble de ceux qui nous écoutez, je vous fais une petite dédicace. Je m'excuse de vous ramener le morceau en français. Un jour, si j'ai le temps, je vous ramènerai le morceau en anglais. Mais ça fait toujours plaisir d'écouter comment les enfants, à quelle sauce ils vont manger le perce-oreille. Je vais m'en occuper. On t'y ressort. Jack veut qu'on le fasse tous ensemble. Qui se ressemble? Ça semble toujours pour les mauvais tours. La la la la la la la la la la la. D'une souricière. Il viendra le renifler, mais on sera là pour la refermer. Non, moi j'ai un meilleur plan pour attraper ce vieux sacripant. Faut le faire bouillir dans une marmite et le manger avec des termites. Kidnapper le perce-oreille, le jeter dans un trou et lui chatouiller l'orteil pour le rendre fou. Si Monsieur Oogie Boogie a faim, suffira de le lui envoyer. Il pourra le faire cuire à point. Avant de dévorer, oui! Moi je dis qu'il faut mettre un canon juste devant sa porte d'entrée et on le fera exploser, comme ça on sera sûr son compte est bon! C'est complètement débile! Si on le transforme en chair rabattée, ce sera plus qu'un fossile et Jack nous fera la tête au carré! Kidnapper le perce-oreille et l'emmener en mer, le lancer dans l'océan pour qu'il touche les terres. Monsieur Oogie Boogie est le prince des cauchemars. Si j'étais sur sa liste noire, j'en irais d'un. Il faut vraiment qu'on réussisse. Il nous donnera peut-être des saucisses. Peut-être même qu'il nous donnera un pot. Des jolis de crapauds. On est à son service et on en est vraiment fiers. on ferait tout pour qu'il nous aime, pas qu'il nous jette la pierre. Mais quel boulet, ces deux crétins! C'est pas moi le boulet! Ben pour toi! Tais-toi! Toi-même! J'ai trouvé! Écoutez-moi, c'est vraiment génial pour une fois. On va lui envoyer ce cadeau accompagné d'un petit mot. Mais ce sera comme le cheval de Troie, et quand sa curiosité le poussera à ouvrir la boîte, on sautera sur lui. 1, 2, 3! Qui n'appelle Perce-Oreille pour l'écrabouiller? Le verser dans une bouteille avant de la fermer. Qui n'appelle Perce-Oreille, lui couper la tête? Ouvrir pour qu'il nous surveille, faut pas qu'il rouge bête. Qui n'appelle Perce-Oreille et l'emprisonner? Le recouvrir de gros ailes et jeter la clé. Look to the sky way up on high, there in the night stars are no right, beyond the past, now then at last, prison walls break, gold runs away, they will return, mankind will learn, new kinds of fear, when they are here, they will reclaim, all in their name, hopes turn to black, when they come back, their new rules, mankind the rules, where they will be, it's those again, stars, perfect, holy, fine, like a churning food, a returning season of doom, scary, scary, scary, scary solstice, very, very, very scary solstice, up from the sea, from underground, down from the sky, they're all around, they will return. Stars on your right, beyond the past, now then at last, prison walls break, old ones awake. Madness will reign, terror and pain, woes without end, where they extend. Leave more of fools, men find the rules, where they will then, blessedness against stars, but let them be kind, and turn out a returning season of doom. Scary, scary, scary solstice, very, very, very scary solstice. Up from the sea, from the ground, down from the sky, there will not be. Look to the sky, way up on high, there in the night, stars now are right, à l'instant, The Carol of the Old Ones, c'était là encore par un chœur d'enfant, c'était enchaîné juste avant avec un morceau culte, Le Perce-Oreille, un extrait de la bande originale du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, composé par Danny Elfman, et c'était la version française, et comme je vous le dis, on vous avait passé un extrait de la version originale pour notre émission spéciale Halloween, et les deux sont intéressants de toute façon, autant se faire plaisir. Alors, à propos de ce dernier morceau, The Carol of the Old Ones, là encore, c'est un extrait du CD de chansons de Noël créé par la Howard Philip Lovecraft Historical Society pour se taper un petit délire sur l'univers de Cthulhu, de Rillier, etc. Surtout l'univers du panthéon de Lovecraft, du grand auteur fantastique du début du XXe siècle. Et en prenant une chanson traditionnelle, une espèce de cantique traditionnel, vous savez à quel point les chansons de Noël sont importantes dans le monde anglo-saxon en général, américain en particulier. Il y a beaucoup de groupes assez divers et variés, de chanteurs qui sortent au moment de Noël un album de saison. Ils reprennent des cantiques, des chansons traditionnelles. Plus récemment d'ailleurs, on a eu le chanteur de Judas Priest qui s'appelle Rob Halford, je crois. On en parlait tout à l'heure avec Stéphane de Tapage Nocturne, qui a sorti tout récemment un album de chansons de Noël, d'ailleurs assez médiocre. Mais bon, ça fait partie de leur tradition. Allez comprendre, on est un petit peu éloigné de ça de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique, mais c'est intéressant. Et aux États-Unis, on n'y coupe pas, y compris quand il s'agit de faire un plagiat de Cthulhu. Et The Carol of the Old Ones, c'est en fait une chanson traditionnelle anglaise, enfin britannique, The Carol of the Bells. Et c'était une chanson en fait qui a une histoire assez ancienne, parce que elle vient en fait d'Ukraine. Et c'est un auteur de la fin du 19e siècle, un auteur ukrainien qui s'appelle Nicolas Leontovitch, qui a récupéré qui a écouté cette mélodie traditionnelle, qui l'a mise sur partition, qui l'a arrangée. Et une fois que les immigrés ukrainiens sont partis aux États-Unis, eh bien, ils ont apporté cette chanson avec eux, de sorte que maintenant elle fait partie du patrimoine anglo-saxon. Et si ça se trouve, comme cette mélodie date de largement avant la christianisation de l'Ukraine, cette mélodie nous vient du fond des temps. Ça concorde bien avec le mythe de Cthulhu, je crois. Voilà, une petite anecdote que je tenais quand même à préciser. C'était sympathique. C'est vrai que moi, ça me fait penser à deux choses, moi, tous ces chants de Noël. Déjà, tout le côté, le, le côté inspiration que peut créer Noël sur diverses cultures. Donc on voit bien que c'est pas que le côté chrétien et autres, on voit que c'est vraiment ancré dans nos vies. On va pas remonter au côté païen, la fête de Yule avec la tradition de planter le sapin, hein, qui n'a strictement rien de monothéiste. Ça vient d'où, c'est la fête de Yule ? Fête de Yule, à la base, ça vient des pays, bon, des pays neigeux, hein, forcément, où la tradition était que pour célébrer le retour du solstice avec les jours qui se rallongeaient, on plantait un arbre qu'on décorait devant la maison. D'ailleurs, petite anecdote, le 25 décembre, c'était la fête d'Ishtar sous l'Empire romain. Mais Jésus, d'ailleurs, n'est pas né un 25 décembre. Il n'est même pas né en 0 avant Jésus-Christ. Non, on il a est un peu arrangé l'histoire. Voilà, il est né en 6 avant Jésus-Christ, en fait. Les moines qui ont fait les calculs au Moyen-Âge se sont gourés. Bref, bon, c'est une jolie fête quand même. Et ça me fait aussi penser au film La famille Adams. Alors, je ne sais plus quel volume, mais quand ils ont les chants de Noël, ils sont devant le château de la famille Adams. Et les autres, pendant qu'ils sont en train de plein de bonnes intentions, d'amour, de leur faire les petits chants de Noël, et ben les autres sont en train de leur préparer une marmite d'huile bouillante à leur balancer sur la tronche. Enfin, j'avais trouvé ça m'y a fait penser, j'avais trouvé le rapprochement sympa. Ah, c'est ballot, si j'avais pensé, j'aurais fait un petit jingle de circonstance pour ce soir. Tant pis, ce sera pour l'an prochain, puisque vous nous écouterez aussi sans doute l'an prochain. Vous avez intérêt, hein, sinon on vous oxy sur la place publique. Un peu d'amour, voilà. Tu insinues qu'on a assez peu d'auditeurs pour pouvoir les oxyre tous à nous deux. Oui, un par semaine, on y arrivera. Allez, écoutez, vous nous écoutez, vous prenez des risques et vous prenez aussi le risque d'écouter certains de nos compositeurs préférés. En l'occurrence, celui qui nous a donné le générique, celui qui, pour beaucoup d'entre nous, je suppose, a donné envie d'aller vers la scène gothique parce qu'il a quand même un univers très particulier. Il s'agit de Sopor Eternus, dont tu nous as ramené un morceau ce soir. Oui, un morceau. Alors, j'aimais bien le titre parce que justement, on parle de Noël, tout le côté bon sentiment, amour et tout, et le morceau se nomme The Consider the True Meaning of Love, donc je trouvais que c'était approprié ce soir, un petit support. Si vous aviez un doute que nous sommes dans une émission gothique, nous y sommes, nous ne sommes pas que dans la mièvrerie de Noël, nous sommes là aussi pour vous en mettre une petite couche de sombre. Voilà, à tout de suite. Who's the man in the mirror? Who's the man inside of me? What's happened to my life? Is this what I used to be? I have strange seductive feelings. I feel hunger for the night. Who's the man in the mirror? Can he help me out of here? Who's the man in the mirror? Who's the man inside of me? What happened to my life? Is this what I used to be? water. I never sleep at night. I feel no sorrow for the lost. Feel like a newborn child. I walk on the water. I see colors in the sky. I hear sirens call my name. It's the world behind the mirror. I walk on the water. I never sleep at night. I feel no sorrow for the lost. Feel like a newborn child. I walk on the water. I see colors in the sky. I hear sirens call my name. It's the world behind the mirror. À l'instant, Bluetangle, un des groupes préférés de Nathalie, un des groupes préférés de beaucoup de nanas, je pense. Behind the Mirror Shadow. Pardon, j'ai complètement oublié d'allumer la lumière dans ma cabine, ce qui fait que j'arrive plus à lire ma playlist. Et c'était enchaîné juste avant avec un morceau de Sopor Aeternus, un des groupes préférés de tous les gothiques, garçons et filles confondus, avec le morceau Consider This the True Meaning of Love. Et c'était pour vous ce soir dans Clair Obscur. Vous êtes bien sur Rage, vous nous écoutez ou pas, sur le 90.3, sur le 102.5 pour le Gard et l'Hérault, le 90.3, je précise, pour le Vaucluse. Vous pouvez aussi nous écouter via le podcast sur le site de Rage, www.rage.fr. Le MySpace de l'émission est aussi à votre disposition avec la chatbox. Je fais un coucou avec... Je fais un coucou à tous ceux qui sont dessus parce que ça fait plaisir, c'est souvent les mêmes et on a des fidèles et ça fait très très plaisir. Et le Facebook, voilà, vous lâchez, vous nous souhaitez bon Noël ou pas et ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. Et maintenant on arrive vers la fin de l'émission tout doucement, on va passer un morceau d'un groupe, un de ces petits groupes qui apparaît sur les compilations et sur lesquels il est très difficile de trouver des informations. Parfois ce sont des groupes qui ont une carrière très éphémère et c'est bien dommage parce qu'ils font des petites perles. Je vous avais parlé d'Immortalis Amor il y a quelques mois, un groupe pour lequel j'avais trouvé très frustrant de ne pas avoir d'informations alors que le morceau que je vous avais diffusé était absolument magnifique. Et bien ça va être encore le cas ce soir avec le morceau, avec le groupe pardon, Furikatsu et tout. Ne me demandez pas de le reprononcer. Le morceau qu'on va écouter tout de suite est une reprise d'un cantique, là encore. Oh Come All Ye Faithful. Et c'était apparu sur une compilation sortie à la fin des années 90, Excelsis A Dark Christmas. Une compilation qui rassemblait plein de groupes aux noms plus ou moins connus, le plus souvent inconnus, je le reconnais, et qui là encore, pour la plupart desquels, était très difficile de se renseigner, donc je vous en dirai pas des masses. Je vous propose d'écouter ce morceau et on se retrouve juste après. à l'instant un morceau du groupe, je vais avoir du mal à vous le prononcer, Fury Catchus et tout, et c'était Oh Come All Ye Faithful, un cantique de Noël repris de manière acoustique. C'était un petit concentré de tendresse pour vous ce soir dans Clair Obscur, et on a quelques actualités encore tout à vous donner. Fait, alors voilà, moi je vais penser un peu à vos fesses pour ceux qui auront le courage après la dinde de Noël et les chocolats et les truffes et tout, à penser un petit peu à aller bouger ses fesses sur du bon son. Alors pour commencer, vendredi 25, à partir de 20h, il y a le Sunset, fait une super soirée apparemment. Bon, j'aime bien les soirées Mysterium. Le Sunset, c'est à Aix-en-Provence. Mysterium Ex Mortis, voilà, Aix-en-Provence. Prix d'entrée 6€, avec pas mal de DJ, pas mal de choses pour vous faire plaisir et vous ravir les oreilles et les canines. C'est pas fini, parce qu'il y a après le lendemain, si vous avez encore de l'énergie. Moi, je sais pas si j'en aurai, mais le 26 décembre, il y a une soirée cérémonie ce coup-ci à Marseille au poste à Galène. 6€ aussi l'entrée, donc ouverture des portes à 22h. Donc moi, je dis, voilà, si vous avez envie de vous lâcher entre deux repas en famille, il y a de quoi faire. Et je prends un peu d'avance aussi pour vous annoncer la soirée du samedi 2 janvier, toujours au poste à Galène, avec une soirée New Wave. Toujours 6€ l'entrée, donc ça reste relativement accessible. Parce que tout le monde n'a plus de sous, forcément, avec la crise et les cadeaux de Noël et la dinde et les truffes, hein, voilà. Donc avec une soirée New Wave, de Depeche Mode à Nenan, Doshin, Alphaville, Soft Cell, enfin il y a tout, New Order. Ils nous ont fait un sacré programme, on vous en reparlera d'ici là, mais je pense que ça vaudra le détour. Un sacré programme, c'est ce qui vous attend aussi dans le prochain Clair Obscur, mercredi prochain. En effet, on vous fait le deuxième passage de notre trilogie consacrée à l'Amérique latine, avec une émission spéciale Brésil, avec toute la scène dark du Brésil, de ce grand pays lusophone. Tu voulais dire un peu ? Oui, je vais rajouter quelque chose, parce que sur la chatbox, on me demande si nous allons, pour conclure, interpréter Petit Papa Noël à l'antenne. Alors on va les décevoir, mais on va éviter qu'il pleuve un peu plus. On va vous dire non, même si ça fait goth. Et on va passer avec le morceau de fin qui est peut-être plus mélodieux. Oui, qui est quand même une chanteuse un petit peu plus compétente, une interprète magnifique, Lorena McKennitt, qui en 1987 avait sorti un album de chansons de Noël, des chansons d'hiver traditionnelles anglaises, To Drive the Cold Winter Away. Et je vous propose de nous quitter avec le morceau In Praise of Christmas. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Joyeux Noël quand même. Bisous, salut. Bye bye. Ho ho ho. To see, do not enter thy chamber.